Chapitre 4. Campement nocturne de Tziganes. Rostov, une ville arménienne au bord du Don. En nous éloignant de Taganrog, nous pûmes facilement prévoir la somme de souffrance qui nous était réservée durant ce long voyage. Une sécheresse interminable, jointe à 30 degrés de chaleur, avait déjà changé les plaines verdoyantes du Don en un désert aride. Dans certains moments, le vent soulevait de telles vagues de poussière autour de nous que le ciel disparaissait complètement à nos yeux. La respiration nous manquait, le sang bourdonnait dans nos oreilles. C'était un moment d'horrible souffrance. L'air échauffé provenant d'un incendie ne cause pas une suffocation plus douloureuse que celle produite par ce vent du désert. Les chevaux eux-mêmes s'arrêtaient en baissant la tête et semblaient partager le malaise qui nous dominait. À l'approche du Don, le pays devient un peu plus accidenté. Quelques stanitsas cosaques se montrent déjà au milieu des bouquets d'arbres qui couvrent les bords du fleuve. De profonds ravins tapissés d'arbres, joints à la trace de plusieurs ruisseaux, prouvent combien cette partie des steppes doit être agréable au printemps. Mais à l'époque de notre voyage, tout avait été desséché, calciné par les rayons du soleil qu'aucun nuage n'avait voilé depuis 2 mois. Nous traversâmes, avant d'arriver à Rostov, un grand village arménien qui empruntait à sa position pittoresque, au milieu d'un ravin, ainsi qu'à la construction de ses maisons, rappelant d'anciennes traditions orientales, une physionomie assez rare dans ces contrées plates et suffisante pour captiver un moment l'imagination. La soirée s'annonçait comme devant être fort belle. Quelque chose de serein, de calme et de mélancolique avait succédé aux chaleurs énervantes de la journée. Le coucher du soleil dans les steppes présente un caractère tout exceptionnel. Dans un pays accidenté, les ombres, en s'allongeant insensiblement, avertissent longtemps à l'avance que le soleil s'approche de l'horizon. Mais ici, aucun obstacle ne le dérobe à la vue. Toute la terre est illuminée de ses rayons jusqu'au moment où son globe disparaît derrière la ligne du steppe. Alors, la nuit tombe avec une rapidité sans égale et quelques minutes suffisent pour faire disparaître toute trace de cet astre radieux qui, peu d'instants auparavant, mettait en feu tout l'Occident. C'est un magnifique changement à vue, une transition subite, empruntant à l'immensité de la scène un caractère des plus imposants. Fatigués de la rapidité avec laquelle nos chevaux nous avaient transportés depuis Taganrog, je profitai d'un relais de poste établi à peu de distance du village pour gravir à pied la hauteur qui me dérobait la route. La nuit étant subitement tombée, il ne restait plus au couchant que quelques bandes d'un rouge pâle que chaque seconde achevait de décolorer. À l'autre bout de l'horizon, la lune, rouge, large, éclatante, telle qu'elle sort du sein des mers, montait majestueusement vers le zénith et remplissait déjà cette partie du ciel d'une lueur douce et mystérieuse lorsque tout le steppe était encore dans l'ombre, tandis qu'une frange dorée marquait les limites de l'espace et de la terre. C'était un effet aussi splendide que bizarre. Arrivé au sommet de la colline, un cri de surprise et d'effroi sortit involontairement de ma bouche et je restai immobile devant la scène inattendue qui s'offrait à mes yeux. En face de moi, tout un campement de bohémiens réalisé en cet endroit une des plus saisissantes fictions de Walter Scott. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien là ces tziganes qui sillonnent la Russie de leurs bandes noires, hâves et couvertes de guenilles, vrais corbeaux du steppe, toujours affamés et toujours errants. Dispersés sur toute la surface du globe, placés au dernier degré de l'échelle sociale, ce peuple vagabond forme en Russie, comme ailleurs, une véritable tribu de parias dont la présence inspire un dégoût même aux paysans. le gouvernement a maintes fois essayé de coloniser en Bessarabie ces bédouins de l'Europe. Mais jusqu'à présent, tous les efforts ont échoué devant leur inertie. Fidèles aux traditions de leur race, les Tziganes abhorrent tout ce qui est agriculture et habitudes réglées. Aucune entrave n'est assez forte pour dompter l'humeur nomade qu'ils tiennent de leur race et qui a résisté au climat âpre de la Russie ainsi qu'à son gouvernement despotique. De même qu'en Italie et en Espagne, ils vont d'un village à l'autre, exerçant toutes sortes de métiers, volant des chevaux, des poules, des arbouses, disant la bonne aventure, obtenant par ruse ou par prière les moyens de ne pas mourir de faim et préférant mille fois cette vie mendiante et paresseuse au bien-être qu'ils se procureraient si facilement avec un peu de travail et de bonne volonté. Leur manière de voyager rappelle les émigrations des peuples barbares. Allant toujours en troupes nombreuses, ils se transportent d'un lieu à l'autre avec tout ce qui leur appartient. Les femmes, les enfants, les vieillards sont entassés pêle-mêle sur des espèces de chariots appelés pavoshks. Dans le pays, attelés d'un ou deux petits chevaux à longue crinière. Toute leur richesse consiste dans quelques couvertures en gros draps de couleur brune dont ils font des tentes pendant la nuit et dans quelques outils leur servant à exercer leur principal métier, celui de maréchal ferrant. Les voyageurs qui visitent la Russie du Nord parlent tous avec enthousiasme des chants bohémiens que l'on entend dans les salons de Moscou. C'est que nulle race ne possède peut-être le goût de la musique à un plus haut degré que les bohémiens. Au reste, leur intelligence nous a paru remarquable sous beaucoup de rapports. Un long séjour en Moldavie, où l'on compte plus de 100 000 tziganes, nous a permis d'étudier avec autant de facilité que d'intérêt les mœurs de ce peuple et de recueillir un grand nombre de faits qui ne seraient peut-être pas indifférents à la plupart des lecteurs. Les Tziganes passent la belle saison à aller d'une foire à l'autre, à camper pendant quelques semaines aux environs des villes, à vivre enfin sans souci de l'avenir dans une indolence tout à fait asiatique. Mais quand les neiges arrivent, quand les vents du nord viennent balayer de vastes plaines aussi unies que la mer, la situation de ces malheureux est bien de nature à exciter une vive pitié. À moitié vêtus, enfouis dans des cabanes creusées sous terre, sans ressources pour les besoins matériels, on ne comprend pas comment ils peuvent atteindre la fin de l'hiver. Une telle situation, tout horrible qu'elle soit, ne laisse cependant aucune trace en eux dès que le souffle du midi leur permet de reprendre leurs courses aventureuses. L'insouciance est le fond de leur caractère et la plus affreuse misère ne peut leur faire jeter un seul regard sur l'avenir. La singulière apparition qui m'avait arrêté subitement sur le rebord de la route était donc le spectacle d'une troupe de tziganes campés pour la nuit dans cet endroit isolé à une trentaine de pas du chemin, près d'un champ de pastèques. Les pavoshks, disposés en cercle, soutenaient avec leur timon des tentes d'une couleur sombre où l'on ne pouvait entrer qu'en rampant. De grands feux allumés à quelques pas de là étaient entourés d'une cinquantaine d'individus de l'aspect le plus effrayant. Couleur bistrée, cheveux hérissés, traits hardis et sauvages, haillons indescriptibles, éclairés par des flammes capricieuses qui, tour à tour, jetaient de vives lueurs et s'affaiblissaient subitement, tout cela avait quelque chose de démoniaque, bien digne de rappeler à l'imagination les scènes sinistres dont on les a fait si longtemps les héros. Tout ce que la misère et les habitudes d'une vie vagabonde ont de plus repoussant se lisait sur leur visage hâve, dans l'expression fébrile de leurs grands yeux noirs et dans l'espèce de volupté avec laquelle ils se roulaient au milieu de la poussière. On eût dit que c'était là leur élément, qu'ils se sentaient nés pour la vase où fourmillent les animaux immondes. Les femmes surtout me semblèrent hideuses, couvertes seulement d'un jupon en lambeaux, la poitrine, les bras ainsi qu'une partie des jambes entièrement nues, les yeux hagards, la figure presque cachée sous des mèches de cheveux en broussailles, elles n'avaient plus rien, ni de leur sexe, ni même de l'humanité. Cependant, un examen plus attentif me fit remarquer quelques têtes de vieillards qui, par le contraste de leur blanche chevelure avec la couleur olivâtre de leur peau, autant que par la régularité des traits, offraient un type de beauté peu commune. Tous fumaient, enfants, femmes, vieillards. Ce plaisir égale presque pour eux celui de boire de l'eau de vie. Quelle imagination de peintre a jamais rêvé un pandémonium pareil ? Jusqu'alors, il ne m'avait pas aperçu, mais le bruit de notre voiture qui s'avançait rapidement et la voix de mon mari leur donnèrent l'éveil. Toute la troupe fut aussitôt sur pied et je me trouvai, non sans un certain effroi, entourée d'une douzaine d'enfants entièrement nus qui vinrent me demander l'aumône en jetant de grands cris. Quelques jeunes filles, voyant ma frayeur, se mirent à chanter d'une manière si douce et si mélodieuse que notre Cosaque lui-même en parut ému. Nous restâmes longtemps à les écouter, tout en admirant l'effet bizarre que faisait leur campement dans les steppes par cette belle et radieuse soirée. L'idée d'un danger sérieux ne nous vint même pas à l'esprit, et d'ailleurs elle eût été parfaitement absurde. Mais dans tout autre pays que la Russie, une pareille rencontre n'aurait rien eu de bien rassurant. Trop d'exemples prouvent tous les jours que certains hommes ne reculent devant aucun crime pour satisfaire leur avidité ou alléger la misère à laquelle ils sont condamnés. Pourquoi ceux-ci, plus misérables et plus dégradés que la lie des autres pays, résistent-ils à leur mauvais instinct lorsque l'occasion se présente de leur lâcher la bride? Qui peut comprimer en eux toute pensée de violence et de rapine quand ils n'ont qu'à exposer qu'une vie que tant d'autres risquent bénévolement pour des motifs si futiles? Voilà de ces questions qui font presque envier les gouvernements despotiques en donnant la preuve qu'un pouvoir absolu obtient des résultats qui confondent complètement tous les raisonnements des philosophes socialistes. Le lendemain dans la journée, nous arrivâmes à Rostov, jolie petite ville située sur le Don. Sa physionomie diffère essentiellement des autres villes russes. Ce ne sont plus les lignes droites si froides et si monotones qui traquent le voyageur d'un bout de l'empire à l'autre. Ici, l'inégalité du terrain et le besoin de se rapprocher du port ayant forcé les habitants à bâtir leur maison d'une manière irrégulière, il en résulte un coup d'œil aussi varié que pittoresque. La population mélangée de Russes, de Grecs et de Cosaques n'offre également, dans sa manière d'être, aucun point de comparaison avec la roideur systématique et la discipline militaire qui paraissent régler toutes les actions des Russes. L'influence d'un peuple longtemps libre a changé jusqu'au caractère des employés de la chancellerie. On ne trouve plus en eux la morgue et la suffisance qui distinguent la petite noblesse russe. Aussi, la société est-elle beaucoup plus agréable à Rostov que dans la plupart des villes gouvernementales. Le tchin, rang, ne vous y poursuit pas, comme ailleurs, de ses exigences ridicules. Il y a fusion complète de nationalités, de goûts et d'idées, et chacun s'en trouve à merveille. Cette influence secrète que les Cosaques exercent sur les Russes est une chose digne de remarque, et semble prouver que les travers de ce dernier peuple tiennent plus à son organisation politique qu'à son caractère national. Sa gaieté naturelle, comprimée par l'inquisition d'un pouvoir souverain, reprend facilement le dessus quand l'occasion s'en présente. À Rostov, on voit les employés russes se mêler aux Cosaques et aux négociants grecs sans que la susceptibilité orgueilleuse des premiers en prenne l'alarme. Une chose dont nous fûmes grandement étonnés et qui annonce combien les idées libérales sont en faveur de cette ville est l'établissement d'une espèce de casino où toutes les classes de la société se réunissent le dimanche pour danser et faire des parties de plaisir. Cela est sans exemple ailleurs. Ce casino contient une grande salle de danse, de beaux jardins, un billard, une restauration, tout ce qu'on peut désirer dans un établissement de ce genre. Quoique chacun soit libre d'y entrer sans aucune rétribution, la haute société ne s'en fait pas faute et n'y danse pas moins d'aussi bon cœur que dans un salon aristocratique. Toute distinction de rang s'y trouve effacée. Employés, marchands, femmes d'officier, jeunes ouvrières, étrangers, chaque classe s'y coudoie et de cette fusion résulte un pêle-mêle aussi varié qu'amusant qui rappelle par son joyeux abandon les bals champêtres de la banlieue de Paris. Tout devient sujet de surprise pour le voyageur dans cette petite ville qui n'a de russe que ses employés. Les hôtels y offrent de bons restaurants, des chambres propres, munies chacune d'un lit complet, chose inouïe dans l'intérieur de la Russie, et beaucoup d'autres objets que l'on trouve à peine à Odessa. Azov, situé de l'autre côté du Don, un peu au-dessous de Rostov, n'est plus aujourd'hui qu'un grand village. Sa forteresse, si longtemps célèbre, a été abandonnée et tombe en ruine. Elle occupe, à ce que l'on prétend, l'emplacement de l'ancienne Tana bâtie par les Grecs bosphoriens. Le fort Saint-Dimitri, construit par Pierre le Grand entre Rostov et Nakhitchevan, a partagé le sort d'Azov. Il était autrefois destiné à protéger la contrée contre les incursions des Turcs, alors maîtres de la rive opposée. La route de poste le traverse dans toute sa longueur et suit jusqu'à Nakhitchevan, une chaussée élevée qui domine tout le bassin du fleuve. Rien de plus varié que les vastes perspectives au milieu desquelles on voyage en parcourant cette longue arête. Derrière soi, l'on a Rostov avec son port rempli de bâtiments, avec ses maisons échelonnées les unes sur les autres, comme si l'espace allait leur manquer, avec ses églises grecques et ses jardins couronnés de terrasses. À droite, la nappe calme et limpide du fleuve s'étend dans un large bassin dont les bords sont ombragés par de beaux peupliers. Des bateaux de pêcheurs, des radeaux, des bâtiments de transport varient son aspect, accidentant de la manière la plus pittoresque cette partie du paysage. Puis, devant soi, l'on voit surgir Nakhitchevan, la blanche ville arménienne. Et le voyageur étonné retrouve l'Orient dans les grands bazars dont il aperçoit les vitrages étincelés au soleil, dans l'architecture capricieuse des maisons et surtout dans les belles figures asiatiques qu'il rencontre en avançant. Nous parcourûmes tous les quartiers, tous les bazars de cette ville orientale avec un empressement qui avait sa source dans nos souvenirs de Constantinople. À la vue des femmes voilées traînant la babouche rouge avec une nonchalance inimitable, des hauts bonnets arméniens, des longues barbes blanches, des marchands accroupis sur leur comptoir, des bazars remplis de tous les produits de l'Asie, nous nous crûmes réellement transportés dans un des quartiers marchands de Stamboul. L'illusion était complète. Les boutiques sont garnies d'une foule d'objets qui nous parurent très curieux. Les Arméniens excellent surtout à travailler l'argent et à couvrir de délicates broderies les cuirs rouges et jaunes qui servent à la confection des selles, des babouches, des bottes, etc. On nous montra des selles d'une grande beauté destinées à des chefs du Caucase. L'une d'elles, en velours bleu, ornée de plaques d'argent, émaillée de noir, avec des étriers en argent massif et une bride chargée d'ornements brillants, avait été commandée pour une jeune princesse circassienne. Chaque genre de marchandise a son bazar à part, comme en Orient, et les hommes seuls sont chargés de la vente. Dans cette ville arménienne, placée sur les bords du Don, au milieu d'un pays occupé par des Cosaques, est une des mille singularités que possède la Russie. On se demande quelle cause a pu transplanter ces enfants de l'Orient dans une contrée où rien n'est en harmonie avec leur manière d'être, où la nature elle-même leur fait rudement sentir qu'ils ne sont là que par accident. Cela vient de ce que les Arméniens sont essentiellement cosmopolites, s'accommodent de tous les climats et de tous les gouvernements dès que leur intérêt l'exige. Industrieux, intelligent, économe, ils trouvent partout des ressources et là où ils s'établissent, le commerce naît avec leur présence. C'est ainsi qu'au milieu des déserts du Don s'est élevée Nakhitchevan, la ville du trafic par excellence, le bazar où l'on vient faire ses achats de 25 lieues à la ronde. Il fallait des Arméniens pour être capable d'opérer un pareil miracle et pour trouver des sources de prospérité dans un commerce de détail. Mais aussi, rien n'a échappé à leur ardente perspicacité. Tous les genres d'industrie sont largement exploités par eux. Non content du commerce local, qui est entièrement entre leurs mains, aucune foire n'a lieu dans toute la Russie méridionale sans que l'habitant de Nakhitchevan n'aille porter ses marchandises. Le costume et l'armement des habitants du Caucase forment encore une des principales branches du commerce de ces Arméniens. Ils sont en relation assez intime avec les nombreuses tribus du Caucase, auxquelles on les accuse même de servir d'espions. Quant aux habitudes sociales, les Arméniens sont à Nakhitchevan ce qu'ils se montrent partout ailleurs. Ils peuvent impunément changer de pays. Leurs mœurs, leurs usages ne subissent aucune modification. La nation arménienne ressemble à un arbre dont le tronc est presque détruit, mais qui produit des rejetons d'une nature invariable, ne différant entre eux que par quelques particularités extérieures. La colonie de Nakhitchevan date de l'année 1780, époque à laquelle l'impératrice Catherine II fit transporter sur les rives du Don la plus grande partie des Arméniens de la Crimée. Les colons se divisent en agriculteurs et en boutiquiers. Les premiers habitent 5 villages, renfermant une population de 4600 âmes. Les autres résident exclusivement dans la ville qui forme le chef-lieu de leur établissement et contient près de 6000 habitants. Cette nation jouit des mêmes privilèges que les Grecs de Marioupol dont nous avons fait mention. Ils sont gouvernés par des administrateurs choisis par eux et bien rarement ils sont forcés de recourir aux tribunaux russes. Fin du quatrième chapitre.